Une audience de Caligula par Paul de Saint-Victor. Chapitre 1er. Philon est une des plus vénérables figures des derniers jours d'Israël. Il y apparaît comme un Platon oriental, l'abeille attique sur les lèvres et le rayon du Sinaï sur le front. Né 30 ans avant l'ère chrétienne, d'une famille sacerdotale, Philon personnifie admirablement cette grande école juive d'Alexandrie qui, tout en gardant intacte l'idée du monothéisme hébraïque, essaya de l'élargir aux proportions de la pensée grecque. La doctrine développée dans le vaste ensemble de ses œuvres reçoit et mélange à dose inégale toutes les philosophies helléniques. Si Philon admet, comme Platon, la préexistence des âmes et la formation du monde par des puissances inférieures travaillant sur des types d'idées invisibles, il croit, comme Pythagore, à la vertu des nombres. S'il se rattache aux stoïciens par l'austérité de sa morale, il suit Aristote en bien des questions. Mais ce syncrétisme n'a point le caractère d'une apostasie. C'est vers la Bible que Philon fait converger toutes les doctrines étrangères qu'il s'assimile en les transformant. C'est Jéhovah, le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'Unique, l'Éternel qu'il intronise sous le portique de la sagesse athénienne. Sa philosophie, libérale et pure, est en quelque sorte l'arche d'alliance, où le génie israélite et le génie grec se touchent du front et des ailes, comme les chérubins du tabernacle biblique, en s'inclinant vers le même Dieu. Il n'y a pas de trace du christianisme dans ses livres. Ayant toujours vécu hors de la Judée, Philon paraît même avoir ignoré la vie et la mort de Jésus-Christ. Aucun souffle de l'Évangile ne pénétra jusqu'à lui. Il se rattache pourtant à la religion du Christ par sa théorie du Verbe, intermédiaire entre Dieu et l'humanité, ange par excellence, fils premier-né de Dieu, comme il l'appelle quelquefois. Le germe de cette conception était dans Platon. Philon l'a singulièrement agrandie. Plus tard, elle se combina avec les idées chrétiennes, et le quatrième évangile, postérieur de plus d'un demi-siècle aux ouvrages de l'écrivain juif, nous la montre planant à l'état de dogme initial sur la théologie du culte nouveau. En ce sens, on peut dire que Philon est un précurseur de saint Jean. In principio erat verbum est l'exorde du philosophe comme il était celui de l'évangéliste. Philon n'est pas seulement un philosophe, c'est un historien. Sous la forme du pamphlet ou de l'apologie, il défendait sa nation déjà opprimée avec une infatigable éloquence. Ses plaidoiries étaient de véritables mémoires qui jetterait de vives lueurs sur les parties peu connues des premières époques de l'Empire romain. Il ne nous reste malheureusement de cette série de ses œuvres, avec le plaidoyer contre Flaccus, que la légation à Caius, document inappréciable qui nous met en face de Caligula. Chapitre 2e. Cette relation, trop peu connue, a l'intérêt unique d'un témoignage oculaire. Caligula, à vrai dire, n'a pas d'historien. Les livres des annales où Tacite racontait son règne ont été perdus. C'est une lacune irréparable, imparfaitement remplie par la chronique de Suétone. Celle-ci même a failli périr. Un homme ayant été surpris lisant le Caligula de Suétone, Commode fit jeter le livre au feu, le lecteur obète. « Ferris objecti jucit », dit Lampride. Ce fou furieux, intercalé dans la dynastie impériale, gênait beaucoup les Césars. Ils auraient voulu abolir sa mémoire et rayer son nom. Le récit de Philon est donc une révélation. Que serait-ce si vous aviez vu et entendu le monstre, disait Esquine à ses auditeurs émerveillés, après leur avoir lu le discours de Démosthène contre lui. Philon a vu et entendu le monstre que Suétone ne nous décrit que de seconde main. Il nous en rend l'horrible impression. C'est en s'échappant de son antre qu'il a écrit ces pages palpitantes d'effroi et de vérité. Avant d'y pénétrer avec lui, exposons en quelques lignes les circonstances qui rapprochèrent Philon de Caligula. Une colonie juive, florissante et riche, prospérait depuis des siècles à Alexandrie. Cette grande ville était alors une sorte de pandémonium religieux, où tous les cultes et toutes les doctrines bouillonnaient dans un mélange sans fusion. Sur ces 5 quartiers, les Juifs en occupaient 2 complètement. Ils tenaient le haut de ses banques et de son négoce. Leurs synagogues étaient nombreuses et leurs écoles renommées. Alexandrie était la Jérusalem laïque d'Israël. Mais la haine qui s'attachait déjà à la race juive ne sévissait nulle part plus violemment que dans la ville d'Alexandrie. Rentrés en Égypte après tant de siècles, les Hébreux y retrouvèrent le vieil antagonisme qui les en avait chassés au temps de Moïse. Leurs immenses richesses, leur génie fiscal, qui avait fait d'eux les hommes d'affaires et les ministres des finances des Ptolémées, la protection spéciale que leur avaient accordée Auguste et Tibère, leur culte, insociable et incompatible avec toute religion étrangère, les faisaient détester des Alexandrins. Un jour, la haine qui couvait contre eux éclata comme une éruption. La populace fanatique, qui plus tard, devenue chrétienne, devait lapider à coups de tesson la noble Hypatie, se rua sur le quartier juif, pilla ses maisons, incendia ses prosoques ou les profana par les statues divinisées de Caius, chassa et refoula ses habitants par milliers dans une sorte de ghetto étroit et sordide où elle les tint assiégés. Ceux que la faim en faisait sortir étaient impitoyablement massacrés. Ce fut pour ainsi dire le prologue du martyr en masse que ce peuple devait subir pendant tant de siècles. Le récit de Philon semble prophétiser ces effroyables émeutes du Moyen-Âge où une ville, prise d'un accès de rage religieuse, envahissait sa juiverie et la mettait à feu et à sang. On voit même flamber, à Alexandrie, les premiers fagots des autodafés. Beaucoup de juifs furent brûlés vifs sur les places publiques, faute de gros bois avec des branchages. D'autres, traînés par les rues avec des courroies et déchirés par la plèbe. Le gouverneur romain laissait faire ou se laver les mains du sang de cette race dans le bassin de Pilate. Les juifs, désespérés, résolurent d'adresser à César un appel suprême. Ils envoyèrent à Rome une ambassade dont Philon fut institué l'orateur. Les Alexandrins expédièrent de leur côté une députation. Les loups de l'Égypte et le troupeau d'Israël allaient plaider leur cause devant le tigre romain. Chapitre 3e. À l'époque où les députés juifs arrivèrent à Rome, Caligula était au fort de sa frénésie. Depuis longtemps déjà, il s'était décerné la divinité. Il avait son temple, et dans ce temple, sa statue d'or, habillée comme lui, chaque matin, à laquelle on immolait des phénicoptères et des paons. Il n'était pas seulement Dieu, mais tous les dieux, en une seule personne. Il portait, tour à tour, le nimbe d'Apollon, le trident de Neptune, la robe de Vénus ou le caducée de Mercure. Une foudre de théâtre, qui jetait des éclairs de soufre et qui l'agitait en cadence, contrefaisait celle du roi de l'Olympe. Le Panthéon, c'était lui. La nuit, il donnait à la lune des rendez-vous d'amour et l'attendait couché sur son lit, dans la posture d'Endymion. Quelquefois aussi, dans les furieuses insomnies qui le précipitaient hors de sa chambre, à travers les galeries du palais, il conversait avec l'océan. On le voyait souvent se dresser à l'oreille de la statue de Jupiter capitolin, lui parler, se pencher, comme pour écouter sa réponse, puis insulter l'idole lorsqu'elle ne répliquait pas assez vite. Un jour, il lui cria « Je te renverrai au pays des Grecs !» Une autre fois, il jeta une pierre contre le ciel en vociférant « Tue-moi ou je te tue !» Le Lazzarone napolitain qui injurie son saint, trop lent à faire des miracles, perçait dans le César aliéné. Un dieu peut tout faire. Il est impeccable et irresponsable. Pour affirmer son omnipotence, il lui faut des crimes inouïs, des actions énormes, le droit de mort fatal et aveugle, arbitraire et désordonné, tel que l'exerce, en apparence, la nature. « Tout m'est permis et contre tous » était en trois mots le livre du prince de Caligula. Il força son cousin, le jeune Tibère, au suicide, parce que, invité par lui à un banquet, il avait apporté du contrepoison. « Quoi ? » s'écria Caius. « Un antidote contre César ?» La peste s'indignait qu'on ne la crût pas incurable et qu'on chercha contre elle un remède. Ses cruautés, étant divines, étaient fabuleuses. Lorsque la viande était chère, il faisait jeter par économie de vieux gladiateurs aux lions du cirque. Avec des prisonniers qu'il enfermait dans des cages, où ils étaient forcés de ramper sur les pieds et sur les mains, à plat ventre, il se fit une ménagerie de bêtes humaines qu'il livrait ensuite aux bêtes fauves. En même temps que cette ménagerie d'hommes, il avait une meute patricienne. Son plaisir était de faire courir et d'essouffler, autour de son char, des sénateurs vêtus de la toge. Un bourreau se trompa et exécuta un innocent au lieu d'un coupable. On rapporta le quiproquo à César qui sourit et dit « Le condamné ne l'avait pas plus mérité. » Un chevalier romain, jeté au lion, criait qu'il était innocent. Il ordonna qu'on le fît sortir, qu'on lui coupât la langue, et qu'il fût ensuite ramené dans l'arène. Sa sœur Drusille étant morte, il fit décapiter ceux qui ne la pleuraient pas, car c'était sa sœur, et crucifier ceux qui la pleuraient, parce que c'était une déesse. Il invitait les pères au supplice de leurs enfants. L'un d'eux, ayant allégué la goutte qu'il retenait au logis, César, généreusement, lui envoya sa litière. La torture était l'intermède de ses fêtes, les cris des patients, l'orchestre de ses repas. Il faisait périr ses condamnés à petits coups. « Frappe, disait-il au bourreau, de façon qu'il se sente mourir. Ita feri ut se mori sensiat. Sa prodigalité était délirante, comme sa cruauté. Il se roulait nu sur des monceaux d'or, faisait servir à ses convives des pains et des mets d'or, et buvait des perles fondues. Parfois, il se donnait le divertissement d'affamer le peuple en faisant fermer les greniers. Après le jeûne venait l'abondance. Il jetait alors à la plèbe d'un balcon du Palatin des vivres, des fruits, des oiseaux, des pluies de sesterces. Seulement des couteaux aigus mêlés à cette manne allaient, au hasard, blessés et tués dans la foule. Ainsi, ses largesses mêmes étaient meurtrières. Il était à la lettre un bourreau d'argent. Quand ses coffres étaient à sec, César se faisait brocanter et vendait ses meubles. Lui-même fixait les prix et poussait les mises. Un des sénateurs s'étant endormi pendant un de ses encans impériaux, paya d'une enchère chacun des mouvements de sa tête que le sommeil faisait vaciller. À son réveil, on lui adjugea 13 gladiateurs pour 2 millions. Le plus souvent, Caligula battait monnaie avec la hache du licteur. Un jour qu'il jouait, n'étant pas en veine, il quitta la table, fit tuer 2 chevaliers romains, confisqua leurs biens et rentra joyeux, disant qu'il n'avait jamais amené meilleur coup de dés. Après avoir fait mourir Junius Priscus, qu'il croyait riche et qui ne l'était pas, « Il m'a trompé, dit-il, il méritait de vivre. » Le monstre était facétieux et comme matiné de singe édienne. La hache bouffonnait et plaisantait dans sa main. Un sacrificateur venant lui offrir dans un temple le couteau sacré, il l'assomma d'un coup de maillet. Le victimaire pris pour victime, c'était là un des traits d'esprit de Caius. Un homme ayant voué, pendant qu'il était malade, sa vie pour la sienne, il ne le tint pas quitte de son vœu, et le fit jeter scrupuleusement dans un précipice. Ses farces étaient parfois des massacres. Il tuait en gros, aussi volontiers qu'en détail. Lorsqu'il inaugura son pont de vaisseau, de Bailly à Pouzolles, réalisant ainsi la gageure qu'il avait faite de galoper sur la mer, il invita, par geste, les spectateurs attroupés sur le rivage à y monter pour mieux voir. Le pont rempli, il fit jeter cette foule à la mer. On repoussait à coups de croc ceux qui se cramponnaient au navire. Tous les 10 jours, Caius marquait sur la liste des prisonniers ceux qui devaient périr, appelant cela apurer ses comptes. L'idée de la mort qu'il portait en lui, qu'il pouvait infliger d'un signe, l'exaltait comme une sombre ivresse. Le sang lui en venait à la bouche. Il voulut un jour faire mettre à la torture sa maîtresse Césonie pour tirer d'elle, par la douleur, le secret de l'amour qu'elle lui inspirait. Tam bona cervix, simula quiusero demetetur, disait-il en lui caressant la nuque. Mais la tête qu'il aurait voulu trancher d'un seul coup, c'était celle qu'il souhaitait au peuple romain. Rêve de monstre, idéal atroce, de la tyrannie à bout d'invention. Chapitre 4. Voilà l'homme devant lequel les juges et les anciens d'Israël allaient comparaître. Ils ne pouvaient l'aborder sous de plus noirs auspices. En arrivant à Rome, les Juifs avaient appris de leurs frères que l'abomination de la désolation, prédite par leurs prophètes, allait se consommer dans le Saint des Saints. Caius venait d'ordonner qu'on inaugurât sa statue au milieu du temple de Jérusalem. La nation entière avait pris le cilice et s'était couverte de cendres, comme au temps des invasions ninivites et babyloniennes. Les villes étaient vides, la culture des terres était délaissée. Résolus à mourir, plutôt que de tolérer ce sacrilège inexpiable, les Juifs se préparaient par la famine au martyre. Un jour, Petronius, le gouverneur romain de la Palestine, vit venir à lui tout un peuple vêtu de deuil et pleurant. L'immense sanglot qui sortait du sein de cette multitude faisait le bruit d'une clameur. Les vieillards marchaient en tête, les mains derrière le dos comme des condamnés. « Si le temple est profané, lui dirent-ils, nous y amènerons nos femmes pour les immoler. nous y conduirons de même nos frères et nos sœurs, nous y égorgerons enfin nos fils et nos filles, nous deviendrons les assassins de nos épouses et de nos enfants. Il faut, dans les calamités tragiques, se servir de remèdes tragiques. Puis, debout au milieu de cet holocauste, arrosé du sang de nos proches, purification qui convient à ceux qui vont mourir, nous nous immolerons sur leurs cadavres. Ce n'était point là de vaines menaces. Le siège de Jérusalem réalisa, trait pour trait, quelques années plus tard, l'effroyable plan de ce suicide en masse d'une nation. Pétronius, ému à la vue de ce peuple de suppliants qui n'avait qu'à se redresser pour devenir une armée, éluda et temporisa. Il décommanda le transport de la statue jusqu'à nouvel ordre et osa écrire à César. Caius venait de recevoir ses lettres lorsque les Juifs d'Alexandrie lui demandèrent une audience. Qu'on juge de la colère de ce dieu des dieux auquel une misérable peuplade asiatique refusait l'entrée de son temple. La résistance, cette chose inconnue, se dressait devant lui pour la première fois. Il s'y cognait, comme un démoniaque contre un mur, furieux, enragé, hurlant la menace et l'imprécation. Son favori, Agrippa, le roi de Judée, s'étant présenté au palais durant cette crise, César fit tomber sur lui sa colère. Agrippa en fut foudroyé. Il tomba, mort de peur, entre les bras de ses esclaves, et resta 2 jours dans une syncope léthargique. Cependant le divin Caius avait pris le parti de venger lui-même son injure. Il fit fondre à Rome sa statue colossale et d'airain doré, et résolut d'aller l'introniser lui-même dans le sanctuaire de Jérusalem. Ce fut presque à la veille de ce voyage projeté qu'il donna audience à l'ambassade juive. La redoutable entrevue eut lieu dans les villas contiguës de Mécène et de Lamia, qu'il était en train de faire restaurer. Pour bien se représenter la scène tragicomique qui va suivre, qu'on se figure d'abord Caius Caligula, tel que l'on peint Sénèque et Suétone. Un grand jeune homme chauve et dégingandé, au buste énorme, vacillant sur des jambes fluettes, aux yeux louches enfoncés sous un front saillant, velu comme une chèvre. Il était interdit de prononcer ce nom devant lui. Un tic perpétuel convulsait sa face livide, comme celle de cette furie triste, que les Romains appellent Livor. Philon ne nous apprend pas en quel dieu il s'était grimé ce jour-là. Peut-être, pour terrifier les députés juifs, avait-il endossé la peau de lion d'Hercule ou revêtu la cuirasse dont il avait dépouillé Alexandre dans son tombeau. Amenés en sa présence, les Juifs se prosternèrent, la face contre terre. Car vis-à-vis des Césars, le vautrement oriental avait déjà remplacé le noble statut de l'ancienne Rome. À leur vue, Caius entra dans un accès de rage, et ce fut en grinçant des dents qu'il leur dit « Voilà donc ces impies qui seuls, quand tous les hommes reconnaissent ma divinité, préfèrent à mon culte celui de leur dieu inconnu. » En même temps, levant les bras vers le ciel, il y lança un blasphème qui dut faire tressaillir d'effroi ces prêtres d'Adonaï, pour qui c'était un crime de proférer seulement son nom. « Ce blasphème, dit Philon, il n'est pas permis de l'entendre, à plus forte raison de le répéter. » Cette réception menaçante mit en joie les Alexandrins, qui se prirent aussitôt à flatter la manie du terrible fou en lui prodiguant tous les noms des dieux. Ce grossier encens l'enivrait et le grisait à vue d'œil. Il le humait en se rengorgeant. Un des Égyptiens, nommé Isidore, âpre calomniateur, saisit ce moment pour lancer son accusation. « Seigneur, lui dit-il, tu les détesterais bien davantage, eux et leurs pareils, si tu savais jusqu'où va leur irrévérence envers toi. Lorsque tout le genre humain offrait des victimes pour ta guérison, eux seuls ont refusé de faire des sacrifices. » Les Juifs se récrièrent d'une seule voix. « Seigneur Caius, on nous calomnie. Nous avons immolé des hécatombes et versé leur sang autour de l'autel, non pas une fois, mais à 3 reprises. D'abord à ton avènement, ensuite lorsque tu échappas à cette grave maladie qui répandit le deuil sur la terre entière, enfin, pour obtenir que tu revinsses triomphant des Germains. » L'explication ne satisfit pas. « Soit, dit Caius, vous avez sacrifié, mais un autre que moi. Que m'importe vos sacrifices s'ils ne m'étaient pas adressés ? » Et tournant le dos au suppliant, il se mit à parcourir les villas d'un pas saccadé, visitant les appartements, inspectant les plafonds, critiquant les constructions qu'il ne trouvait pas assez magnifiques, et ordonnant à ses architectes de les refaire avec plus de luxe. Les députés juifs le suivaient, tête basse, raillés et conspués par les Alexandrins, comme dans une farce de théâtre. Tout à coup, Caius se retourne et leur demande gravement « Pourquoi ne mangez-vous pas de porc ?» À ces mots, les Alexandrins éclatèrent, comme s'ils venaient d'entendre la plus exhilarante plaisanterie. Jupiter daignait faire un bon mot. Il le saluait par les rires inextinguibles qui retentissent dans l'Olympe. Mais leur hilarité trop bruyante fut mal prise par les officiers du palais. Excès de zèle. D'un coup d'œil sévère, ils leur firent comprendre leur irrévérence. À peine s'il était permis aux familiers de César de sourire imperceptiblement devant lui. Cependant, les pauvres juifs répondirent humblement que les usages variaient avec les pays, et qu'à leurs adversaires même, certains aliments étaient défendus. L'un d'eux allégua que quelques-uns se faisaient scrupule de manger de la viande d'agneau. « Ils ont raison !» s'écria Caius, « car ils ne voient rien !» Il se mit à rire bruyamment de sa facétie, puis reprenant l'humeur furieuse qui était son état normal. « Enfin !» leur dit-il, « sur quoi fondez-vous votre droit de cité à Alexandrie ?» Les Juifs commencèrent à plaider leur cause, mais Caius, trouvant sans doute leur raison trop bonne, leur tourna encore les épaules. Il entra dans une vaste salle, les traînant toujours à sa suite, et en fit plusieurs fois le tour, ordonnant qu'on fermât les baies avec des pierres spéculaires. Il revint ensuite vers les Juifs, subitement calmés, et d'un ton tranquille, leur demanda « Que me disiez-vous ?» Pour la seconde fois, les députés juifs lui exposèrent leur affaire. Pour la seconde fois, il les quitta, en s'élançant dans une autre salle où il fit placer des tableaux anciens. C'était le jeu d'un tigre jouant avec sa proie comme le chat avec la souris. Cette moquerie insultante parut aux Juifs un présage de mort. L'angoisse, dit Philon, monta de notre cœur, comme un appel suprême vers le vrai Dieu, pour le supplier d'apaiser la colère de ce faux Dieu. Le Seigneur eut pitié de nous et retourna son âme. Caius, en effet, se radoucit encore et leur dit « Allez-vous-en ! Après tout, ces gens-là sont plus fous que méchants de ne vouloir pas croire que je suis Dieu. » N'est-ce pas là un portrait en action d'une vérité effrayante? Caligula surgit sous nos yeux comme si son sinistre buste en basalte qu'on voit au Capitole prenait souffle et vie. Avec son front large et torse, frons lata et torva, son regard menaçant et triste, embusqué dans un œil oblique, son rire d'aliéné, ses gestes bizarres, ses intermittences de furie et de bouffonnerie. Tacite lui-même, qui peint les Césars à distance, d'un style grave et sombre, n'a laissé d'aucun d'eux une si vive image. Quelques jours après, Caligula, traversant une crypte du Palatin pour aller au bain, y rencontra une troupe de jeunes gens asiatiques qu'on exerçait au jeu du théâtre. Il s'arrêta pour les regarder et les exhorta à bien faire. Choréas, tribun d'une cohorte prétorienne, vint lui demander le mot d'ordre. « Iovem, répondit-il, Jupiter. « Acipe eratum. Reçoit une marque de sa colère, » cria Choréas, et il le frappa du glaive à la tête. Les autres conjurés s'élancèrent, s'encourageant par ce mot d'ordre. « Encore, encore !» Caius tomba percé de 30 coups d'épée. Quelques heures après, les prétoriens envahissaient le palais et le mettaient au pillage. Arrivés dans l'Helio Caminus, sorte de galerie haute où, dans les jours froids, on se réchauffait au soleil, un soldat, appelé Gratus, aperçut des pieds qui passaient sous la tapisserie qui couvrait la porte. Il les tira à lui et ramena un bonhomme qui se jeta à ses genoux en demandant grâce. C'était Claude, l'oncle de Caligula, souffre-douleur et plastron de la famille impériale. Auguste recommandait qu'on le montrât le moins possible en public. « Il ne faut pas, disait-il, que les gens s'accoutument à rire et à causer de pareilles choses. » On a de lui un billet moitié grec, moitié latin, où il écrit « Claude peut présider au repas des pontifes, mais il faut mettre auprès de lui son cousin Silanus, qui l'empêchera de dire ou de faire des sottises. Il ne faut pas qu'il assiste au jeu du cirque, assis dans le Poulvinard, la loge des empereurs, il se fera voir là en première ligne. » Au banquet du Palatin, Claude était le jouet vivant de sa terrible famille. Après le repas, il était souvent pris d'un pesant sommeil. Alors on lui jetait à la tête des noyaux de dattes ou d'olives. Les bouffons du palais le faisaient lever à coups de verge. D'autres fois, on lui mettait aux mains de vieilles pantoufles de femme, afin que, réveillé subitement, il s'en frottât le visage. Cependant, Gratus releva le pauvre diable tremblant à ses pieds, se prosterna devant lui et le salua empereur. Les soldats l'acclamèrent et le jetèrent dans une litière qui le conduisit au camp du prétoire. Il y passa la nuit, comme au corps de garde, effaré, pleurant, ahuri, rêvant de hache et de gémonie. Le lendemain, Claude, proclamé par le Sénat, montait cas un cas sur le trône du monde et saignait sa caboche du laurier d'or des Césars. Son avènement fut une trêve dans les tribulations d'Israël. Il se montra favorable aux Juifs des provinces et la colonie d'Alexandrie se releva sous son règne. Derrière le Jupiter vengeur, évoqué par Coréas, Philon vit sans doute surgir Jéhovah frappant le profanateur de son temple. En sortant de l'audience de Caligula, il avait dit cette belle parole à ses compagnons terrifiés. « Nous devons maintenant espérer plus que jamais. L'empereur est si irrité contre nous que Dieu ne peut manquer de nous secourir. » Ainsi s'achève une audience de Caligula par Paul de Saint-Victor.